Bébé, je suis un loser, mon cœur est un glaçon. Et pour le réchauffer, c'est pas l'amour, mais l'oseille. En fait, que devant les bacs, ma gueule. Moi et mes cojones, on s'est fait douze. Prêt à perdre la vie. Pour les miens, on prend mes principes. T'as pas ton amour, vite, on va t'en pousser. Je suis dans l'élastique. Je suis les papiers pour caver les deux chemises. T'as voulu nous la mettre, t'as fini comme ça, adoré. On a fait du haram en croyant réussir. On l'a taillé, on l'a vissé. Les démons mènent la danse et tu connais la colère. Nerveux comme le tarant, descends pas de boudjahed. Je vais t'enterrer vivant si tu touches à la daronne. Derrière les barreaux, on sera bientôt libérable. Y'a que les SS qui resteront pour se la foutre dans le trou. Plus on boycott, plus je vais les baiser. Power DZ que de la frappe comme Benji. C'est pour l'oseille qu'on le fait. C'est pour l'oseille qu'on le fait ou pour représenter le zoo. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Les deux fusils de mon comme Tish. Tish. Y'en a le rich. Mais la mise à main des visages. Je fouille dans mes souvenirs. Oh baba. La misère a fait de nous des soldats. Plus de bif, plus de bitch, plus de snitch. C'est pas une magie qu'on fait avec. Et dans le cercle on s'enlève. Mon ami tu pas bon. Donc je surveille mon mot. Mes oreilles sifflent. Toi tu l'as avant, mais tu tapes dedans. C'est comme un proxénète et qui épouse le tatou. La street m'attire comme ça de bitch. Je la pénètre, j'y traîne toute la nuit. Oui elle m'a même que des ennuis. Mais je me sens comme un lion dans ma dingue de vie. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je me fais plus du démon comme bitch. Bitch. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je me fais plus du démon comme bitch. Bitch. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je me fais plus du démon comme bitch. Bitch. Barbe blanche, j'ai livré des combats de tout genre. Des coups, je peux te dire que j'en ai reçu des tonnes. Et je ne compte plus mes blessures. Mais aujourd'hui, la seule cicatrice qui me fasse encore mal, c'est celle-là. Cette cicatrice, c'est pas le souvenir d'une aventure ou d'un de mes duels avec œil de faucon. C'est un de tes hommes qui me l'a faite. Marshall Dittich. Plus connu sous le nom de Barbe Noire. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je les deux fusils des mots comme bitch. Bitch. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je les deux fusils des mots comme bitch. Bitch. Y'en a le rich. Y'en a le rich. Je les deux fusils des mots comme bitch. Et pourtant, à aucun moment je n'ai baissé ma garde. Tu comprends ce que j'essaie de te dire, Barbe Blanche? Cet homme est dangereux. Il a patiemment attendu son heure. Il n'est jamais devenu un de tes commandants. Il n'a pas cherché la gloire en se faisant un nom. Il est resté dans ton ombre, se cachant derrière la renommée du grand Barbe Blanche. Mais pendant tout ce temps, il est devenu extrêmement fort. Et maintenant, il passe à l'action. Avec une ambition démesurée, il veut atteindre les sommets. Angel Day.